Être madame tout le monde, être monsieur tout le monde n'est pas un don qui met en valeur. Connu comme la Joconde ou être Miss Monde fait monter tes rues en une heure. Comment se faire connaître sans donner tout son être, en gardant la tête sur les épaules, pour cacher son mal-être, s'éloigner de 100 mètres, échapper au simple contrôle. Ces clichés que l'on t'impose te font fermer les yeux sur ces rêves dont tu disposes, auxquels tu dis adieu. Les questions que tu te poses trouveront un sens à tes yeux sur les choix que tu proposes afin de vivre heureux. Ne renie jamais ce que tu es avant tout, car nul n'est parfait. On a tous nos atouts. Sois original, bien dans tes baskets, il ne devient pas banal. Juste pour être chouette, sois toi-même. Yeah. Sois toi-même. Tu n'es pas à l'abri d'une petite critique ou deux, même sous la maladie. Yeah. Il y aura quelqu'un maladroit, fais pas attention à eux. Vis ta vie comme tu le veux. Il n'y a rien de plus merveilleux quand tu sais ce que tu vaux. Ces clichés que l'on t'impose te font fermer les yeux sur ces rêves dont tu disposes, auxquels tu dis adieu. Les questions que tu te poses trouveront un sens à tes yeux sur les choix que tu proposes afin de vivre heureux. Ne renie jamais ce que tu es avant tout, car nul n'est parfait. On a tous nos atouts. Sois original, bien dans tes baskets, il ne devient pas banal. Juste pour être chouette, ne renie la mer que tu es avant tout, car nul n'est parfait. On a tous nos atouts. Sois original, bien dans tes baskets, et ne deviens pas banal. Juste pour être toi-même. Sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même. Sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même. Sois toi-même, sois toi-même. Sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même.